Cours numéro 1. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالحمد لله الذي وفقنا أن نكمل دراسة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام محدث العصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. فكلنا وعدناكم نعم فأنا بيبخيبي كسيون فينيسا صفة الصلاة للإمام الألباني رحمه الله ولله الحمد ونفيني الشيخ الألباني رحمه الله son livre il est spécifique pour la description de la salat فقط. ونحن من هذا اليوم on va traiter inshallah ta'ala des sujets importants في الصلاة. وفي هذا اليوم نبدأ بدراسة أحكام سجود السهو ونسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. فالإنسان عرضة للنسيان والغفلة والسهو même s'il se concentre قد يحصل منه نسيان وغفلة. فربما حصل في الصلاة الزيادة أو النقصان أو الشك. La personne, il peut rajouter ou diminuer ou avoir un doute dans sa salat. فشرع الله تبارك وتعالى لعباده المصلين هذه العبادة العظيمة. وهذا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى il a légiféré à ses serviteurs cette عبادة عظيمة. سجود السهو. لأنك تؤبلغ. T'auras des doutes. Tu rajouteras peut-être dans ta salade. Tu trouves les gens, ils sont bien mustaqil ou mustakthir. Wa al-ulama i'tanaw jiddan bi hadhihi al-mas'ala. Li'annaha comme on a dit muta'alliqa bi as-salat. Et bi'idhnillah à la fin de la kalima, on citera des références fi hadha. Awalan, ta'rif sujoud as-sahw. Et on conseille les frères de prendre des notes. Tu notes les ta'arif, tu notes les taqsimat, tu notes le qawl al-rajih avec le dali. On va avancer face à celui qui lui manque une note. Il laisse un blanc et à la fin, bi'idnillah, on complète. Awalan al-ta'arif. On a dit la définition. Sujoud al-sahu. Amma sujoud ma'ruf. On l'a vu fait sifat al-salah, la prosternation. Et on a vu sifat al-sujoud. Comment faire sujoud? C'est la même chose fait sahou. Aïe, tes sept membres, ils sont en contact du sol. Tes pieds, ils sont serrés, les orteils en direction de l'qibla. Les coudes écartés, c'est la même sifat. On ne la refera pas, nous. On l'a vu fait sifat al-salah. Had al-sujoud. Al-sahou, c'est nisyan. Tu dis saha fulan. Quelqu'un qui oublie. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عرف سجود السهو بقوله رحمه الله عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي دو بروسترناسيون que le مصلي fait. قال عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الح الحاصل في صلاته من أجل السهو لجبر الخلل. الخلل سيندف. قال وأسبابه ثلاث. شو معناته يمين يكمل الكلام أن لكوز دو سجود السهو يانا تخوا شوز qui vont impliquer que tu fais deux prosternations à la fin de la salat. قال وأسبابه ثلاث. الزيادة أي rajouter أو نقص. La deuxième cause un نقص. Troisième سبب الشك le doute. Et on va détailler بإذن الله chacun de ces سبب. كلام شيخ ابن عثيمين انظره في رسالة سجود السهو إلى أن رسالة طيبة جدا شيخ ابن عثيمين إلى أن بتت رسالة في سجود السهو إيه إلي إكسبليك تت عبادة عظيمة رحمه الله. مسألة أبخل تعريف الحكم حكم سجود السهو الآن الستاتيو جريديك الجوجمان دو سجود est-ce qu'il est obligatoire est-ce qu'il est recommandé. جمهور العلماء قالوا بالوجوب. La majorité des savants ils sont d'avis que ce sujoud, sujoud de sahou il est obligatoire. منهم الإمام مالك والإمام أحمد وسفيان الثوري وإسحاق وأبو حنيفة رحم الله الجميع. هؤلاء يقولون بوجوب سجود السهو. C'est قول جمهور العلماء. La plupart des savants ils sont à l'adr قول. واستدلوا ils ont pris comme argument comme preuve حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود. سنقض. فليسجد. Si une personne y rajoute quelque chose dans sa salat, أو il a une diminution dans sa salat, فليسجد سجدتين. هذا الحديث اللي واضح سنأمر. سنقض. Et on avait expliqué في دروس الأصول أن الأصل في الأوامر c'est الوجوب. Sauf c'est un autre دليل qui montre que c'est pas obligatoire. وفي هذا الحال On n'a pas de dalil qui montre que ce n'est pas obligatoire. Fa as-sahih qawl al-jumhur anna sujud as-sahw il est wajib. Qala Sheikh al-Islam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah wa laysa ma'a man lam yujibha ay as-sajdatayn hujja tuqarib dhalik. Les autres savants qui sont d'avis que ce sujud as-sahw il n'est pas obligatoire, ils n'ont pas un dalil qui nous montre ou qui nous prouve que ce n'est pas obligatoire. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait quand il a oublié. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de le faire. Ça, c'est wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Kalam ibn Taymiyyah, rahimahullah, fi majmou' al-fatawa. Fa'ida, i'lam, anna man taraka takbirat al-ihram muta'ammidan ou sahwan. La salat ala. Ça c'est mohim. Celui qui délaisse takbirat l'ihram, le fait de dire Allahu Akbar au début de la salat. Tahrimuha at takbir, qala alayhi salatu salam. Celui qui délaisse takbirat l'ihram, volontairement ou involontairement, il n'a pas de salat. Hala, on ne parle pas de sujoud de sahou dans son cas. Dans son cas, il refait la salat. Lianna, il n'a pas fait takbir l'ihram, il n'est jamais rentré dans la salat. Hala, il refait la salat. أما لزوت أركان on a oublié de préciser أن pour comprendre toutes ces مسائل il faut maîtriser الأركان والواجبات. أركان الصلاة وواجبات الصلاة. Ça c'est مهم. C'est pour ça qu'hier on a insisté sur la révision الأركان والواجبات. Et on avait fait الشروط كذلك. لأن pour comprendre cette مسألة الآن il faut que tu maîtrises ce qu'on a cité auparavant. On les a vu في صفات الصلاة. إن ترك ركنا سي درس الركن فأون va voir il y a deux cas s'il le délaisse volontairement sa salat elle est batila. أما سهوا sans faire exprès, involontairement, c'est ce qu'on va voir dans nos masa'il. Celui qui délaisse كذلك un wajib muta'ammidan. Maintenant, il délaisse le tashahud al-awwal, on a dit le wajib. Volontairement, il refait salat. Et dans ce cas-là, on ne parle pas de sujoud de sahou. Sa salat aslan, elle n'est pas sahih. Si tu as compris ça, al-an, si un musalli, il oublie un rukn, un pilier de la salat, ou un wajib sahouan, on va rentrer dans masa'il sujoud de sahou. On récapitule, celui qui délaisse takbirat l'ihram, volontairement ou involontairement, il n'a pas de salat. Il refait sa salat. Celui qui délaisse un rukn ou un wajib muta'ammidan, kadhalik, il n'a pas de salat. Il va nous rester deux cas là. Celui qui délaisse un rukn, un pilier ou un wajib, une obligation, involontairement. Sahwan. C'est là qu'on va faire entrer ce jour de sahou. C'est pour ça qu'on l'a appelé ce jour de sahou. Il est réservé pour celui qui oublie. Avant de rentrer dans ce jour de sahou, on peut se poser la question, hein? Celui qui oublie un rukn, al-an, on va parler involontairement. Le muta'ammid, on a fini, il n'a pas de salat. Al-an, tout ce qu'on va voir, c'est ghayr al-muta'ammid. Aïe, celui qui délaisse involontairement. Al-an, on peut se poser la question, celui qui délaisse un rukn involontairement, famadha yaf'al. Ce jour de sahou, c'est à la fin de la salat. Lakin pendant la salat. Matalal, on donne un exemple. Al-musalli fait ce jour de l'awwal. C'est un rukn. Normalement, il se redresse, position assise, c'est un rukn. Et il fait ce jour. Un autre rukn. Al-an, imagine un musalli, le premier ce jour, il se relève directement debout. Dans ce cas-là, al-an, il a oublié un rukn. Lakin involontairement. Est-ce qu'il revient à ce rukn? Ah oui, il continue, il le rattrape. Amma sujoud sahou, on verra plus tard. Al-an, il faut qu'on comprenne cette mas'ala. Fa mathalan, il a oublié à sujoud al-thani. Il se relève, donc il est à la deuxième raka'a. Cette deuxième raka'a, elle prend la place de la première. Il y en a la première, elle est pas valide. Il a oublié un rukn. Hada sa qawl. Parmi les choses qu'on avait vu, at-tartib, l'ordre, c'est un rukn fi salat. Al-an, si il commence la deuxième raka'a et il n'a pas fait le sujoud, le dernier sujoud de la première raka'a, le tartib il est plus bon fi salat. L'ordre dans la salat, c'est un rukn, c'est un pilier. Fafi hadha al-hal, il est obligé de revenir au rukn. Il y en a tout ce qu'il fait après cette erreur, après cet oubli, c'est plus à sa place. Il est obligé de revenir. Il est debout, il a commencé la lecture, amla. Il est obligé de revenir. Il nous a montré à tertib. Et tu reviens à ton sujoud et tu continues la salat. L'erreur, il y a rajouté quelque chose dans la salat. C'est quoi qui a été rajouté? Al-an, le cas, l'exemple qu'on a, il y a quelque chose qui a été rajouté dans la salat. C'est quoi? Le fait de revenir à la position. Debout. Ahsant. Hada. La position debout, elle est en trop, là. Dans ce cas-là, on parlera de ce jour de sahou à la fin de la salat et on verra. Lakin, nahnu al-an, on se concentre sur qu'est-ce que tu dois faire. Si tu as oublié un rukn, est-ce que tu reviens? Amla. As-sahih, c'est que tu reviens au rukn. Qala. Al-Sheikh al-Allama, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. في شرح الممتع قال رحمه الله هذا القول هو الصحيح أي القول كنا إكسبيكي قول الإمام الشافعي إذا ديمونتري بوركوا رحمه الله قال وذلك لأن ما بعد الركن المتروك فإنه في غير محله سي سكون إكسبيكي أن سي تافي ليسي لو دوزيام سجود involontairement bien sûr tu t'es relevé الآن tout ce qui vient c'est plus à sa place il manque un sujoud. Obligé de revenir. Mais Anna, on a dit Anna, l'ordre dans la salat, c'est une obligation, c'est un pilier. قال اشتراط الترتيب نعم لأن l'ordre c'est une condition dans la salat, c'est un شرط. Le rukn c'est sujoud. فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله. Ça c'est compris. Anna, tout ce qui va venir après ce sujoud oublié, c'est plus à sa place. Fait t'es obligé Anta de suivre l'ordre. Ah, dans ces cas-là, tu te remets en position sujoud, ou le rukn que tu as oublié, et tu recontinues ta salat, et tu fais sujoud à la fin. Sujoud sahou. فإنه في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه. Si tu te retrouves dans une position dans la salat, cette position elle n'est pas à sa place, tu n'as pas le droit de continuer. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي. Le Nabi صلى الله عليه وسلم après le premier sujoud, position assise, et il fait un deuxième sujoud. Anta, tu es en position debout, tu as oublié, lakin tu t'es rappelé, qui c'est qui t'autorise à continuer? T'es obligé de revenir. T'es obligé de revenir et suivre l'ordre. هذا القول الصحيح. قال بل يرجع إلى الركن الذي تركه. Tu reviens au pilier que t'as manqué. Un autre cas, si tu te rappelles, on garde toujours le même exemple, t'as oublié le deuxième sujoud. T'es en position debout. T'as pas remarqué. Tu lis la Fatiha. Après tu fais le recours, tu te redresses du recours. Et après tu fais le sujoud. Tu es dans la deuxième raka. Qu'est-ce que tu fais? Le rappel, tu t'es rappelé quand tu arrives au même stade de l'oubli. La première raka, le deuxième sujoud, tu l'as oublié. Tu te rappelles dans la deuxième raka à cette position. Tu te rappelles, qu'est-ce que tu fais? عندما أحسنت لماذا أحسنت ça va revenir au même, tu peux plus revenir. تصور أنت, on a oublié le premier sujoud, la personne il se relève, il continue sur la deuxième raka au même niveau, il se rappelle, on peut pas dire reviens, il est déjà à cette position. الآن c'est le cœur, c'est tout. Même si il va revenir, il pourra pas, t'es dans cette position. ففي هذا الحال ta première raka elle est annulée. Ta deuxième raka, ça devient la première. Les anna, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix, tu ne peux plus revenir. La différence avec le premier raou. Avec le premier exemple, tu pouvais revenir. Dans ce cas-là, ta deuxième raka, elle devient la première. Tu continues, et à la fin, tu rattrapes une raka. Ça veut dire que tu auras fait 5 raka, la première elle est annulée, et les 4 d'après, ils sont valides. قال الشيخ العثيمين فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية هذا si t'arrives tu te rappelles au niveau de l'oubli de la deuxième ركعة tu peux pas en dire revenir. قال الشيخ العثيمين فإنه لا يرجع لأن رجوعه ليس له فائدة ça sera rien de toute façon tu pourras pas. قال لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل si tu reviens tu vas revenir à la même position, ça sera rien. ففي هذا الحال ta première raka, elle est invalide et la deuxième, elle prend la place de la première. La deuxième, elle devient la première. Si tu oublies un rukn, l'un, tu sais comment faire. Tu as deux cas. Si tu te rappelles avant que tu atteignes ce rukn dans une autre raka, maintenant tu as oublié le sujoud dans la première raka, si tu te rappelles avant le sujoud de la deuxième raka, tu reviens. Il y en a l'ordre, tertib, c'est un short. Si tu te rappelles que lorsque tu arrives à la position, aïe le rukn dans la raka suivante, ta raka première, elle est annulée. Et ta niya, c'est ta deuxième raka, ça devient la première. Et tu continues ta salat. Si tu es tout seul, il n'y a aucun problème. Si tu es tout seul, t'annules la première, tu continues, maintenant la deuxième ça devient la première et tu fais 4 rak'a. Tu auras 5 rak'a au total, la première elle annule. Si t'es avec l'imam, fi hadha al-hal, ta niya, ta deuxième rak'a, elle devient la première et après le taslim de l'imam, tu te lèves et tu complètes une rak'a. Qad yaqul qa'il, un exemple. Amma l'exemple du sujoud. Avec l'imam, tu ne pourras pas oublier de sujoud normalement. Léana, la jama'a, tout le monde fait sujoud, tu suis. Enfin, tu ne vas pas te relever tout seul. Qui c'est qui a un exemple, Yahada? Ahzant. Tu oublies le Fatiha. Derrière l'imam. Ça arrive. L'imam, première raka, il commence. Takbir al-Ihram. Salat al-Jama'a, la prière en commun. Salat en commun. Anta, rafla. Tu penses à des choses. L'imam, il fait le recours. Anta khalas, dès que tu entends Allahu Akbar, tu te réveilles. Tu n'as pas le temps de dire le Fatiha. Tu fais le recours. Si tu as le temps, tu la récites rapidement. Si tu n'as pas le temps, tu es obligé de suivre l'imam. Al-Ruku, al-An, tu as manqué un Rukn. Al-Fatiha, c'est un Rukn. Dans ce cas-là, dès que tu es avec Jama'at, tu n'appliques pas ce qu'on a dit. Tu dis pas, moi j'ai oublié le Fatiha, tu reviens en position debout et tu restes Fatiha. Là, avec l'imam, tu es obligé de suivre l'imam. Dans ce cas-là, tu suis l'imam. À la fin de la salah, l'imam, il va faire le teslim, toi tu te relèves. Tu fais pas de teslim. Tu te relèves, tu refais une raka'a, l'anna ta première raka'a est invalide, t'as manqué un rukn, al-Fatiha, et après tu salles. Qui c'est qui résume tout ça? Il résume celui qui te laisse un rukn. On a trois cas. Alors on a deux cas, si t'es tout seul, ou t'es l'imam, c'est ce qu'on a cité la parole du journal Taïmine, ou deuxième cas, si t'es derrière l'imam, ça change. Faddal, qui c'est qui explique le premier cas? Kalam Mukhtasar, Faddal. Celui qui délaisse un rukn volontairement, il n'a pas de salat, il refait son salat. L'an sahwan. Fil raka'a. Ahsan. Madame lam yablou. Had rukn fil raka'a talia. Tant qu'il n'a pas atteint le même rukn qu'il a oublié dans la raka'a suivante, qu'est-ce qu'il fait? Ahsan fal ya'ud fal yardi'. Il revient. Limada, il revient. Ahsan, s'il ne revient pas, sa salat, il n'y a plus d'ordre. Il a fait passer la position debout de la deuxième raka, il l'a fait passer avant le sujoud de la première. Tu n'as pas le droit. Hein? Faddal. Ahsan, si tu as oublié, tu te rappelles seulement au stade du rukn que tu as oublié de la raka'a suivante, si hadal hal, ta première raka'a, elle est annulée et la deuxième, elle prend la place de la première. Hadal. Limada, tu reviens pas? Naam, li ana ou la fa'ida. Tu vas revenir à la position où tu es actuellement. Tu restes dans cette position, tu annules la première raka'a et, bi'idnillah, lâche alik. Tu n'as pas fait exprès. Hada, c'est s'il est tout seul. Al-An, celui qui prie derrière l'imam. Le deuxième cas. Indaman. Ahsant, la yardi ila rukn. Limada? Ahsant, wa dalil? Innama ju'ila l'imam li yutamma bih. Hadith Abi Sa'id, fi s-sahihay. Innama ju'ila l'imam li yutamma bih. L'imam, il a été instauré pour être suivi. Ah, t'as pas le droit, ou il est en soujoud, toi tu te lèves. Là, il y a douze. Qu'est-ce que tu fais via Adelhal? T'as manqué un rukn. Naam, l'exemple de Fatiha, celui qui peut la réciter, la récite. La nahiyanan, tu te rappelles, et l'imam, il n'a pas encore fait le recours. Anta, tu commences. L'imam, il fait le recours. Là-bas, tu te retardes quelques secondes et tu finis Al-Fatiha et tu fais le recours là-bas. Lakin, si t'as peur, alors tu crains que l'imam il se redresse du recours et toi t'as pas venu le Fatiha, dans ce cas là t'as pas le droit. Dans ce cas là tu fais le recours, délaisse le Fatiha, ta raka'a n'est pas valide et tu la rattrapes maintenant. C'est quand que tu rattrapes cette raka'a derrière l'imam que t'as manqué. Ahsan, dès que l'imam il fait salam, tu te relèves et tu finis ta raka'a. Hada, wallahu ta'ala a'lam. Anzur hadi l'mas'ala fi fath al-allam الشرح بلوغ المرام لأخينا الشيخ محمد بن حزام المجلد الأول صفحة 828 فوليوم 1 باج 828 دو شرح بلوغ المرام دو الشيخ محمد حفظه الله. On donne un deuxième exemple, celui qui oublie un واجب مثلا التشهد الأول deuxième ركعة normalement صلاة الظهر par exemple deuxième ركعة تشهد. Tu fais le tashahoud, après tu te relèves pour la troisième. Wahed, il a oublié. Deuxième, il s'est relevé directement à la troisième. Deuxième, il s'est relevé directement à la troisième. Est-ce que dans ce cas-là, il revient en tashahoud? Ah oui, continue. Ce cas, tu as plusieurs halat. La première, il se rappelle avant la position debout. Matalan, anta, t'as fini. La deuxième raka'a, tu l'as fini. Au lieu de faire ta jahoud, position, istiraha, et tu commences à te relever. Tu te rappelles, tu te rassois. T'es pas encore debout. Ça, c'est le premier cas. Fi hadha al-hal, t'es obligé de revenir. Mais là, t'es pas encore debout. Hadha al-hal, wajib. Obligatoire, tu reviens. Qawl, al-imam Ahmed, rahimahullah. Le deuxième cas, on est dans les sous-catégories. Ayatadakkar, bad ayastatim qa'iman. Il se rappelle une fois qu'il est en position debout. Il se rappelle une fois qu'il est en position debout. Pour le rukn, on avait dit reviens. Il y en a, c'est un rukn. Amma fi tashahud, qala ibn Rajab, rahimahullah, fihi qawlan. Il y a deux qawls. الأول لا يجوز أن يجلس نعم لأن سبا في مرتبة سبا في مرتبة الأركان الترتيب ترتيب الأركان position debout ركوع le redressement du ركوع السجود أما الآن لا تدعى واجب فالصحيح أنه tu reviens pas الصحيح في هذا الحال c'est que t'es debout tu reviens pas à la position assise t'as manqué le tashahud. في هذا الحال سجدتين السهو. Dans ce cas-là, tu feras ce jour de السهو. C'est tout. Maintenant, c'est pas un rukn. Tu l'as oublié, ça fait pas de mal à ta salah. Lianna, t'as oublié involontairement. Tu rattrapes ce manque avec les deux sujouds. Amma, un rukn, t'es obligé de revenir. C'est ça la différence entre rukn et le wajib. Al wajib, si tu l'oublies involontairement, tu le remplaces par les deux sujouds. T'as pas fait exprès. Al rukn, si tu l'oublies, walaw sahwan, tu peux pas le remplacer. Là, t'es obligé de revenir ou tu refais une raka'a. C'est ça la différence entre les deux. Hadha al-qawl, on a dit, c'est sawab. Dès que une fois que t'es debout, tu reviens pas en position de tashahud. Tashahud l'awwal, le wajib. Rajaha hadha, ce qawl, al-imam al-Uthaymin, rahimahullah. Wa stadallu بهذا على حديث أو بحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى أبلي التشهد il s'est relevé et il n'est pas revenu en position assise قد يقول قائل mais le prophète عليه الصلاة والسلام il a oublié. Il aurait su, il serait revenu à la position assise. On a un deuxième dalil qu'enlève ce doute. Hadith Uqba ibn Amr radiyallahu an, عند ابن حبان. Il est sahih. Al-Sheikh Muqbila rahimahullah, il l'a cité fi sahih al-Musnad. Qala Uqba ibn Amr annahu salla bin nas. Ay Uqba, sahabi. Il a prié, c'était lui l'imam. Faqama wa lam yajlis. Il s'est relevé, il a oublié le premier tashahud. فقال الناس سبحان الله. Derrière lui ils ont dit سبحان الله. Aïe, ils pensaient qu'il fallait qu'il revienne au tashahud. فلم يجلس. Il n'est pas revenu. ثم قال عقبة هي السنة. À la fin de la salat ils lui ont dit t'es pas revenu en position assise. Il leur a dit c'est ça sunnah. Je vais pas revenir dans ce cas-là. Je continue et à la fin de la salat je fais les deux sujouds de sahou. Troisième cas. Premier cas on a dit il se rappelle. Avant d'être debout, il revient à la position assise. Aïe le tashahud al-awwal, l'obligation. Deuxième cas, il est en position debout. On a dit, il est arrivé debout. Il va commencer la lecture, il n'a pas encore lu. Dans ce cas-là, il reste debout. Troisième cas, il est debout, il a commencé la lecture. Il a commencé le fatiha. Là, chaque dans ce cas-là, mimbab aoula, il revient pas. Si le deuxième cas, il est debout, il n'a pas commencé à lire, il revient pas. Enfin, s'il a commencé à lire, mimbab aoula, il revient pas. وهذا قول جمهور أهل العلم le troisième il revient pas وهو الصحيح ces مسائل تعلمون فيها خلاف بعض العلماء يقولون ما ميل دبو il revient pas لكن نحن ce qu'on a cité بإذن الله avec دليل عقبة il est واضح إن شاء الله c'est راجح فائدة قال الإمام ابن رجب رحمه الله أجمع العلماء على أن من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو المغرب L'unanimité des savants, que celui qui délaisse le premier tashahud, que ce soit une salade de 3 raka'a, al-maghrib, ou 4 raka'a, al-duhur, al-asr, al-isha, il se lève directement, il ne fait pas de tashahud al-awwal. L'unanimité des savants, bien sûr, sahwan, involontairement. Qal fa inna salatahu sahiha. sa salat elle est valide. Voilà où il a pas fait le tashahhud l'awwal. Lakin il le rattrape avec le sahou. Sa salat elle est sahiha bil ijma'. Qal wa yasjud lis sahou. Le manque, cette diminution, il la rattrape avec ce jour de sahou. On a l'exemple de Uqba ibn Amir, wa katir min as-sahaba, ils faisaient ce jour de sahou, ils avaient manqué le tashahhud l'awwal, leur salat elle est valide. خلاصه ما تقدم الان on récapitule tout avant de rentrer dans ce jour de sahou. Celui qui délaisse un rukn ou un wajib, un rukn un pilier, un wajib l'obligation, mutaammidan volontairement, sa salat elle annule. On parle pas de ce jour de sahou, il refait sa salat. Deuxième cas, celui man taraka ruknan sahwan, celui qui délaisse un rukn volontairement, il a oublié. Fahada, il a deux cas. Imma, il revient, s'il peut revenir. Il n'a pas encore atteint la deuxième rak'a. Avec le même rukn, comme on a expliqué. Il revient. S'il a atteint le même rukn qu'il a oublié dans la rak'a suivante, il remplace la deuxième rak'a par la première. La première rak'a, elle est annulée. Celui qui délaisse un wajib sahwan, on a donné l'exemple tashahhud al-awwal, si il n'est pas encore arrivé en position debout, il revient. S'il arrive en position debout, ou il a commencé la lecture, il revient pas au tashahhud al-awwal. Il continue la salat et à la fin il fait sujoud al-sahou. Pour l'instant la khulasa. Al-an, on est arrivé à un stade, on doit savoir le sujoud al-sahou, est-ce que c'est avant ou après. Mais il y en a les cas qu'on a cités, il fait sujoud al-sahou. S'il a oublié un rukn involontairement, il revient à ce rukn, il doit faire ce jour de sahou à la fin. Il y a des harakats en plus. On avait dit, il s'est levé en plus. Ça c'est un rajout, il devra faire ce jour de sahou. Le wajib kadhalik, il a manqué de tashahhud l'awwal, il y a un manque dans la salah. Il doit faire ce jour de sahou. Al-an, à quel moment tu fais ce jour de sahou? Quand tu as oublié un rukn ou un wajib? Sahouan. Qal al-allama, al-shaykh Saleh الفوزان حفظه الله في كتابه النافع الملخص الفقهي قال يشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور. سجود السهو il est légiféré pour trois choses. قال أولا إذا زاد في الصلاة سهوا فالسلوي qui rajoute. قال ثانيا إذا نقص منها سهوا si il y a une diminution involontairement. قال ثالثا إذا حصل عنده شك il ne sait plus, il a un doute, est-ce que je suis à la troisième ou à la quatrième, est-ce que j'ai fait le ruku amla, est-ce que j'ai fait le deuxième sujoud amla, il a un doute, il ne sait plus. Enfin, tu as trois cas, le rajout, la diminution et le doute. Mais idn Allah, on va les détailler واحد واحد. أولا الحالات التي تبثت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب الاتباع فيها. Ça c'est premièrement les cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a oublié lui-même, on est obligé de le suivre dans ce cas-là. Vous allez voir, on va citer deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a oublié. Dans ce cas-là, la chaque on le suit. Al-an, t'as des cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça lui arrivait d'oublier. Ce cas-là, tu le suis toi. T'as pas besoin de règles. T'as le cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a oublié, si ça t'arrive le même cas que lui, alayhi salatu salam, tu le suis dans ce jour de sahou. S'il a fait avant, tu fais avant. S'il a fait après, tu fais après. On va citer les deux cas. Tous les autres cas qui vont arriver, on va faire le qiyas. On cite les deux cas. Al-awwal, hadith Abdullah ibn Muhayna, radiyallahu an, anna al-Nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, salla bihim al-dhuhr, faqama fi al-raka'atayn al-ulayayn, wa lam yajlis. Premier cas. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marra, il a fait salat, et il a oublié le tashahhud al-awwal. Il s'est levé directement. On l'a cité le hadith. قال فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. Ce dalil montre que le Nabi sallam il s'est rappelé dans la salat qu'il a oublié le tashahhud al-awwal. Il n'est pas revenu. Là, il a continué et avant de faire salat, il a fait sujoud al-sahw. وانتظر الناس تسليمه وكبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم عليه الصلاه والسلام متفق عليه الحديث اللي في صحيح البخاري وصحيح مسلم سكا النبي صلى الله عليه وسلم ناديه الى اوبليه التشهد الاول النبي صلى الله عليه وسلم الى كونتينوي على la fin de la salat avant de faire taslim il a fait deux sujoud ثم il a fait taslim سكا الان c'est un rajout Ah, ou c'est une diminution? Ah, ou c'est un doute? Indaman. Ahsan, c'est une diminution, il manque un tashahhud. Al-ulama, ils vont faire un qiyas. Toutes les diminutions, c'est avant le taslim. Ils sont basés à un cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, les ulama, ils ont fait un qiyas. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié une chose, il a fait avant salam. Enfin, chaque fois qu'on oublie une chose dans la salat, on fait avant salam. Deuxième cas. An Abi Hurayra, radiyallahu anhu, qal. Salla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ihda salatay al-ashi. Ay al-dhuhr ou al-asr. Rak'atayn, thumma sallam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a manqué deux rak'at. Al-an, on le met dans quel cas, hada? Diminution, c'est le premier, fait le haqiqa. C'est une diminution, une augmentation ou un doute? Diminution de quoi? De deux rak'at. Qui c'est qu'un autre qawm? Ziyadat mada? Ahsan, ziyadat taslim. Amma les deux, le manque, il va les rattraper, ou alayhi salatu wassalam. Si tu les rattrapes et tu fais un taslim, tu auras un taslim en plus. Ils vont lui demander la fin du hadith. Ya Rasulallah, anasita am qussirat as-salat. Wa ta'ammal le adab qu'ils ont, sahaba. Yana, ils savent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par la révélation. Enfin, ils lui ont dit, est-ce que la salat a changé? Il leur a dit là. Ils lui ont dit, est-ce que tu as oublié? Il a dit là. Les sahaba, ils ont dit, imma il oublie, imma la salat a changé. Ça prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié. Là, il y a une personne qui oublie, si tu lui demandes une chose, il te dit, non, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'il l'a fait. Enfin, ahad al-hadirin, il l'appelait dhul yadayn. Il a dit, voilà, nasita ya Rasulallah. Rasulallah, il a compris qu'il a oublié. Il s'est levé, il a rajouté deux rak'a. Et il a sallam. Al-an, dans cette salat, il y a combien de taslim? Il y en a deux. C'est un rajout. Normalement, salat, il n'y a qu'un taslim. Fi hadha al-hal, al-Nabi sallam, naqra, qal, fa salla rak'atayn, thumma sallam. Fi riwayat muslim, yani après le taslim. Thumma sallam, et après il a fait deux sujouds de sahou. Ça te montre, elle a une augmentation dans la salat, tu fais les deux sujouds après le taslim. Une diminution, tu fais avant le taslim. On s'appuie sur ces deux hadiths. Hadha al-qawl huwa sahih, qu'on va détailler demain, bi'idhnillah azza wa jalla. Pour demain, réviser tout ça. Man indahu shay, avant qu'on n'akhtim al-tarf, tata. Moi, si j'ai oublié un ruk, il faut qu'il revienne tout de suite avant qu'il arrive au ruk d'après. Par exemple, il a oublié le deuxième sujoud. Il revient quand il se rappelle. Il revient quand il se rappelle, mais il faut qu'il revienne avant que ce soit. Avant qu'il atteigne ce même rukn dans la rak'a suivante. Si tu atteins ce rukn dans l'autre rak'a, il n'y a plus aucun sens de revenir. Il y en a déjà dans cette position. Tu restes dans cette position et tu annules la première. La deuxième, elle devient la première. Dans ce cas, tu es rattrapé. Dans ce cas, ta deuxième rak'a devient la première. Tu continues la salat. Tu auras fait 5 rak'a par exemple. La première, elle a annulé. Il te reste les 4. Et tu feras ce jour. Ce qu'on expliquera demain, par rapport à ce qui s'est passé. Non, par rapport à Anta, le sujet de l'oubli, nous, pourquoi on vous a fait cet ordre? Il y en a un, toi, tu as des règles avant. Le sujet, tu le fais, tu le fais. Lakin, tu t'adaptes. Si c'est un rajout, si c'est une diminution, toi, par rapport à chaque cas. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.